donc un peu les filles. Allez, ouais, ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z qui officie ici sur RIG et c'est tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission, la 478e. Oui, il y en a beaucoup moins que Thierry Gallet pour son émission La Saga Alpha Fort, mais moi je fais à mon rythme, moi. Je fais à mon rythme, monsieur. Et puis je vous annonce d'ores et déjà que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission vacances, vacances, il y en a besoin de vacances. Et se ressourcer, tout ça, tout ce que vous voulez, farniente, compagnie. Bon, il fait froid, mais c'est pas grave, il pleut, mais c'est pas grave. Vacances quand même. Bon, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, on est là aujourd'hui pour défendre un album, l'album de la semaine qui s'intitule Salut les copains et qui est sorti en décembre 1961. En 1961, Johnny a changé d'équipe, les années rodage terminées, il souhaite passer à la vitesse supérieure. Après diverses tractations avec les maisons de disques françaises, il se décide pour Philips qui lui offre les plus grandes facilités financières et surtout s'engager à le faire enregistrer en Angleterre et aux États-Unis. Ce que aucun rocker français n'a pu réaliser encore à ce jour. Et ce contrat est signé le 19 juillet 1961. Dès le 5 septembre, il s'envole pour Londres avec son orchestre complet, les Golden Strings, afin d'effectuer ses premiers enregistrements. Johnny a déjà une nette idée de ce qu'il veut obtenir. Fini les sections rythmiques minimales, à lui les arrangements beaucoup plus riches. L'idée devait préciser le contexte de ses enregistrements. Je venais de passer 3 semaines dans ma famille aux États-Unis et j'avais ramené toute une pile de disques. Et c'est parmi ces disques qu'on a choisi les titres pour Johnny. Ce qui est formidable dans des séances londoniennes, c'est qu'on a pu utiliser 2 guitaristes qui avaient précédemment joué avec Eddie Cochrane. En revanche, là nous n'avons pas eu de chance, c'est que Johnny s'est retrouvé aphone pendant 3 jours et qu'on a dû appeler un médecin pour qu'il puisse chanter. Mais le temps passe vite et il lui faut très vite mettre au point ce nouveau répertoire pour son premier passage à l'Olympia du 20 septembre au 10 octobre 1961, accompagné par les Golden Strings. L'objectif essentiel consistait à rassembler un répertoire de scènes explosives qui accrocherait instantanément le public. Et dans l'album de la semaine, selon les compositions, Johnny éructe, marmonne, éclate de fureur ou se fait tendre. Sa voix passe avec aisance d'une octave à l'autre, se plie à sa volonté sur des orchestrations taillées sur mesure. Toutes les paroles expriment les sentiments des jeunes, leurs difficultés avec les parents, le monde adulte qui refuse, faisant de Johnny leur porte-parole. Il sera taxé de simplisme, c'était seulement de la fraîcheur. Et voici tout de suite le premier titre de cette soirée. Nous, quand on s'embrasse. Lorsque le soir on se retrouve tous les deux, rien que nous deux. Lorsque fous de désir on tire les rideaux sans dire un mot, un seul mot. Le silence pour seul témoin. Mon amour, on est si bien. Oui, on est si bien. Jusqu'au petit matin, que l'on n'en demande plus rien. Nous quand on s'embrasse comme ça, nous quand on se regarde comme ça, nous quand on s'y arrête comme ça, nous quand on s'enlace comme ça. La joie fait rage dans nos cœurs, l'amour coule et les hommes, les tirs de bonheur. Mais la pluie peut bien frapper nos carreaux dans un abri d'enfer. Nous quand on s'embrasse comme ça, nous quand on se regarde comme ça, nous quand on se caresse comme ça, nous quand on s'enlace comme ça, la joie fait rage dans nos cœurs, l'amour brûle les euros, on est ivre de bonheur. ça. Ah, nous quand on s'enlace comme ça, oh oui. La joie fait rage dans nos cœurs, la rage au bout des heures. Oh, le tibou de bonheur. Extrait du premier IP, hein, le Extended Play chez Philips avec Nous quand on s'embrasse comme ça. On va écouter les différents titres qu'il y a eu sur cette Extended Play. Mais juste avant, nous allons écouter au cours de cette soirée des versions originales. Cette chanson Nous quand on s'embrasse comme ça vient du titre de Jerry Lewis, High School Confidential, qui était tiré d'un film en 1958 dirigé par Jack Reynolds. C'était High School Confidential, également parfois distribué sous le titre The Young Hellions. Et on écoute tout de suite cette version de Jerry Lewis. High School Confidential. When the behind the age of lover boy me that's knocking, why don't you listen to me, sugar? All the kids are at the high school rocking. Honey, get your bopping shoes for the jukebox blow the fuse. Everybody hopping, everybody's bopping, bopping at the high school hop. Bopping at the high school hop, taking at the high school hop. Bopping at the high school hop. Rockin' at the high school hop. Well, everybody hoppin', everybody's bobbin', bobbin' at the high school hop. Come on, little baby, let's rock a little bit tonight. Ooh, let's get the rhythm, sugar, let's shake it up tonight. Well, my heart's a beatin' rhythm and my feet are moving smooth and light. Well, bobbin' at the high school hop. Bobbin' at the high school hop. We're shaking at the high school pop. Moving at the high school pop. Everybody bopping, everybody rocking. We're bumping at the high school pop. Now let's go! Well, let me tell you something, baby. I'm gonna give you some good news. Well, my heart's a beating rhythm and my soul is singing the blues. Well, I'm bopping at the high school hop. Bopping at the high school hop. Jumping at the high school hop. Been rolling at the high school hop. Well, everybody hopping, everybody's bopping. Bopping at the high school hop. Now let's go! Salut, c'est Johnny. Johnny en live. La semaine dernière, je vous présentais l'album de la semaine Entre violence et violon, et le seul titre live qu'on n'a pas pu écouter, c'était Signe extérieur de richesse, et ça, c'est extrait des Sunday Rock de 1984. Signe extérieur, puis de richesse. Jean Véran comme 1984, l'émission plénière avec Sam Bernet sur RTL. Nous revenons à l'album de la semaine qui est Salut les copains, sorti en décembre 1961. Et pour le prochain titre, ce titre est extrait du second 45 tours, du second IP tiré de cet album-là. Parce qu'à l'époque, c'était très, très facile pour faire un album. Hein. On prenait 3 ou 4 IP et on en faisait, on regroupait tout ça et on faisait un album. C'était très simple à l'époque. Hein. Il n'y avait pas d'abord, on fait un album et après on sort un single cet album. Non, ça va, c'était un regroupement de tout ça. Et pour un extrait donc de l'album de la semaine... C'est le titre « Toi qui regrettes » qui a été enregistré donc dans les studios de Londres, hein, au studio Fontana, Stanhope House à Londres. Voici le titre « Toi qui regrettes ». Petite balade, tout doux, tout doux. Suite à un autre extrait de cet album de la semaine et un titre qui a été enregistré toujours dans les studios de Londres entre le 5 et 15 septembre 1961, c'est « Viens danser le twist et tout, let's twist again ». Venez les copains, tapez les mains, ouais, on va faire le twist, c'est le nouveau rock, rien n'y résiste, n'hésitons pas, faites comme moi, tu vais bien même pas, rythme le twist, ouais, dans le voilà. Yeah, entre tes bras, ouais, mon cœur va USA pour rendre visite à sa famille, Hallyday scrute les nouveautés discographiques et repère le twist de Chubby Checker qui a mis à la mode 2 ans après Hank Ballard. Au triomphal The Twist en août 60, Chubby Checker donne suite à Let's Twist Again en juin 1961 et la sœur de Hallyday lui montre comment selon elle la chose doit se danser. Revenu à Paris, nommé directeur artistique par Philips, Hallyday convainc Johnny et le reste de l'équipe d'adopter ce nouveau pas. Gilles et Jean sont prié d'écrire la version française, ce qu'ils font, ignorant que le travail a préalablement été commandé par l'éditeur à Georges Gosset. Ainsi alors, chacun s'apprête à sortir Le Twist est là, dûment enregistré, on s'avise que Viens danser le twist a été déposé avant. Il faut refaire le chant. Tant pis pour Gilles Jean et tant mieux pour Georges Gosset qui a dû être surpris du carton réalisé par sa chanson, également interprétée par Fred Addison, Richard Anthony, Marcel Azola, Les Blousons Noirs, Les Chats Sauvages, Robbie Davis, etc., etc. Et s'en servant de son passé de danseur, Hallyday mit au point des numéros destinés à enseigner le twist au public. Et se fiant à ce que lui avait dit sa sœur, il inventa en fait une danse qui n'a pas grand-chose à voir avec celle qui se pratiquait outre-Atlantique. Comme le What I Say de Ray Charles, le twist de Johnny est présenté en 2 parties. La première est en français, comme vous avez pu entendre, et la seconde en anglais. Et voici tout de suite la version originale, celle de Chubby Checker, Let's Twist Again. Again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when? just again that we did last year. Do you remember when things were really humming? Come on, let's twist again. Twist the time is here. Johnny et les années 70. On entend la musique. Ta vie en détresse se perd dans la nuit. Dépense tes larmes, un jour tu riras. N'aie pas de peine pour ce que tu n'as pas. Il y a le soleil et la neige au fond, les fleurs des champs. Reviens-toi. Souviens-toi que le vent est froid. Si tu oublies même que tu savais bien, il n'y a que le vrai pour te faire du bien. Si t'es seul et triste, vois tes amis, ouvre-leur ton cœur, tu seras compris. Il y a le soleil et la neige au fond. Soleil, extrait l'album de la... Non, pas de la semaine, non. Extrait l'album Country Folk Rock. La suite, on revient à l'album de la semaine. Je mélange les pédales, je perds les pédales. Voici tout de suite un titre qui est extrait de l'album de la semaine. Salut les copains, sorti le 16 décembre 1961. Ce titre fait partie donc du EP 4 titres, le 40 tours 4 titres, avec Nous, quand on s'embrasse. Il y a aussi le titre Douce Violence, qui est sorti le 20 septembre 1961. Et c'est une chanson qui a été composé par George Gavarens, le beau-frère de Charles Aznavour, dont on parlera un peu plus tard. Douce violence de nos jeunes amours, tendre insouciance de nos de nos cœurs et perdu. Faut la patience des joies tant attendues. Notre vie s'illumine au feu de sa chaleur. Et l'on fait taire ses pleurs. Mon amour, donne-moi des nuits sans sommeil. Désir se rassemble. Mon amour, guide-moi vers les tendres réveils qui bientôt nous verront ensemble. Douce violence de nos premiers matins. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live en l'an 2000, c'était à l'Olympia avec ce fabuleux titre, Cet homme que voilà. Vous écoutez RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir de 22h à minuit. Merci, merci. revient à l'album de la semaine qui est Salut les copains, sorti le 16 décembre 1961. Et on va écouter cette fois-ci le titre Tu peux l'apprendre, qui est encore issu du premier Extended Play de Johnny Hallyday chez Philips, sorti donc le 20 septembre 1961. Et ce titre Tu peux l'apprendre, en Amérique, il est popularisé par Roy Hamilton, célèbre vulgarisateur de Ancient Melody. Son disque, le numéro 12 en janvier 61 dans les Billboard américains, provoquant une pluie de versions par Gene McDaniels, Johnny Kidd and the Pirates, les Righteous Brothers, John Warwick, Demi Euro, Jerry Lewis, Sam Nelly. En France, outre Johnny, l'œuvre fait l'affaire de Richard Anthony, Dalida, Jacques Danjean, Colette Desréal et Rocky Graziano. Et dans les deux langues, le genre change avec celui de l'interprète. Tu peux l'apprendre pour les autres et tu peux le prendre pour les femmes. On va écouter la version française de Johnny Hallyday et après on va écouter la version originale, enfin oui, la version américaine on va dire, mais pas par Roy Hamilton, mais par Johnny Kidd and the Pirates. Je la questionne, je lui pardonne, mais c'est en vain, je la dévisage sur son visage, je vois l'image de mon déclin. Oui. Tout de suite la version de Johnny Kidd and the Pirates. Anyway. shirts could own a soul. I'd rather have love that I can cling to than have the world than all of its gold. Oh, you can help her, I don't want her. She didn't love me anyway. She only wanted some of what I played with, but all I wanted was the love to stay. De l'album de la semaine, Salut les copains, sorti en décembre 1961. C'est le titre de Jane McDaniels, 100 Pounds of Clay, autrement dit, sous Johnny, c'est avec une poignée de terre. Et ce Jane McDaniels fut saxophoniste avant d'être engagé comme chanteur chez Liberty par Snuff Garrett. Il y triomphe grâce à 100 Pounds of Clay, numéro 3 en mars 1961 aux USA, générant la version en français de Johnny, mais aussi celle de Richard Anthony, Dalida et Rocky Graziano, Chris Evans et tant d'autres encore. Avec une poignée de terre et le premier texte signé par la toute jeune Manu Roublin pour Johnny, voici tout de suite Avec une poignée de terre sur RG. Bonne émission Johnny de la Z. Avec une seule poignée de terre, il a créé. Tout en faisant sa ronde, le Seigneur jugeant en somme qu'il manquait le minimum, il créa la femme et l'amour qu'elle a donné aux hommes. Oh, oh, oh, oui, c'est vrai. Avec une seule poignée de terre, il a créé les lèvres et tes deux bras quand il me serre pour me donner la fièvre. Et je pense à chaque instant que c'est elle que j'aime tant. Le Seigneur l'a fait avec une seule poignée de terre. Oh oui, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Marchant à grands pas, allant de ci, de là à terre, il ramassa, puis ses manches, il retroussa, et de ses mains, il façonna la divine et douce personne. C'est elle que tout le monde nomme l'éternelle femme pour l'amour qu'elle a donné aux hommes. Seule poignée de terre, voilà ce que le Seigneur a fait. Avec une seule version originale, la voici, Jane McDaniels, 100 Pounds of Clay. On voit un petit peu les différences entre Johnny et les versions originales, mais on préfère toujours celle de Johnny, non? He took 100 pounds of clay. And then he said, hey, listen, I'm gonna fix this world today. Because I know what's missing. Then he rolled his big sleeves up and a brand new world began. He created a woman and lots of loving for a man. Yes, he did. With just 100 pounds of clay, he made my life worth living. And I will thank him every day for for every kiss you're given. And I'll thank him every night for the arms that are holding me tight. And he did it all with just £100 of clay. Yes, he did. Oh, yes, he did. Now can't you just see him walking around and round, picking the clay up off the ground, doing just what he should do to make a living dream like you. He rolled his big sleeves up and a brand new world began. He created a woman and a for a man. Whoa, yes he did, with just £100 of clay. Dans quelques secondes, on va écouter Johnny Hallyday en live. C'était lors de son premier Olympia. C'était du 20 septembre au 10 octobre. Et c'était un Musicorama sur Europe 1. Et on va voir écouter les commentaires du présentateur. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le micro de la main droite, parce qu'il y a un micro portatif, et de la main gauche, je vous dis, désigner d'un doigt vengeur un spectateur ou une spectatrice pris au hasard. Et aussi frapper dans les mains. Je parle pour Johnny Hallyday parce que lui, il a les mains libres, les musiciens, eux, ils ont des guitares, des contrebasses, c'est très gênant. Je ne suis pas en mesure, par contre, de vous dire le titre des chansons. D'ailleurs, c'est un point d'importance, on ne comprend pas les paroles. Enfin, c'est du rock, ça je peux vous l'affirmer. Même sans m'y connaître beaucoup, je peux vous dire que c'est du rock. Et du meilleur rock, enfin, du moins du rock français. Là, il y a encore un rock. Alors, les musiciens font un demi-tour sur eux-mêmes. Guitare pointée comme une baïonnette. Un demi-tour à droite, un demi-tour à gauche, comme si menacé un adversaire invisible. Et ils se dandinent d'un pied sur l'autre. Essayez de le faire devant votre glace, et c'est pas facile du tout, il faut un long entraînement. Johnny Hallyday, lui, il se tient très en arrière. On se demande comment il fait pour tenir. Ah, mais voilà l'attraction. C'était pas prévu. Alors, du coup, je ne le savais pas. Il y a trois jeunes filles qui viennent. D'ailleurs, vous entendez, elles sont accueillies par des cris divers, visiblement. Trois jeunes filles, une brune, une blonde, une rousse, en collant violet, rose, bleu, en corsage jaune, bleu, rouge. Et elles dansent le twist. Vous ne savez pas ce que c'est que le twist. Alors, vous n'êtes pas du tout dans le vent. Permettez-moi de vous le dire. Le twist, je ne sais pas le danser, mais en fait, je peux vous dire que cela consiste à se déhancher d'un genou sur l'autre et à faire un peu n'importe quoi. Mais j'ai envie de vous dire qu'ici c'est très bien réglé et ce twist-là que je vois danser sur la scène, ça a autrement d'allure que ce que vous pouvez voir à l'Epiclub ou au Club Saint-Hilaire. Alors, Johnny Hallyday et les trois jeunes filles entourent un jeune homme qui a un saxophone dans la bouche et qui en joue désespérément. Il a l'air très ennuyé d'avoir ces jeunes gens autour de lui. Il a regagné maintenant sa place. Il a regagné sa place, mais il a perdu sa cravate. Bien du coup. Il me semble bien, il mourra, il doit être très petit, mais ici il ne voit pas de cravate du tout. Johnny, lui, est complètement plié. On dirait qu'il est. On dirait qu'il cherche quelque chose par terre. Complètement plié, les genoux pliés. C'est vraiment. Il serait un excellent joueur de tennis où il faut toujours avoir les genoux pliés. Et ça, ça doit être un rock twist. Enfin, du moins, la danse, c'est twist, mais la musique, c'est rock. J'ai une salle à côté de moi, étrangement calme. Écoutez, je vais d'ailleurs interviewer l'un des spectateurs qui se trouve à côté de moi. Monsieur, je vous signale tout de suite que vous êtes sur l'antenne d'Europe numéro 1 en direct. Vous avez l'air d'aimer ça, mais pas tellement, enfin, vous... Oui, vous avez l'air de pas tellement aimer ça. Il me dit après, si, c'est pas mal, c'est amusant, c'est gay, c'est oui, tout ça, oui. Moi, je vous propose de découvrir ce premier Olympia de Johnny Hallyday qui est sorti chez Universal il y a déjà 2 ans de ça. Et ça a été tourné lors du Musicorama d'Europe 1. C'était le 21 septembre 1961. On revient à l'album de la semaine qui est Salut les copains, sorti le 16 décembre 1961. Et juste avant ça, était sorti un 25 cm qui était sorti le 25 septembre 1961, regroupant les deux premiers 45 tours édités chez Philips, avec donc Nous on s'embrasse, tu peux la prendre, Douce violence. Le deuxième c'était Viens danser le twist, Let's twist again, avec une poignée de terre et Toi qui regrette. Et vous allez me dire, il manque un titre, car donc les 45 tours à l'époque c'était 4 titres. Ben oui, c'est le titre Il faut saisir sa chance. Et donc pour la musique de son film Douce violence, Max Pécasse fait appel à Georges Gavarens, ce qu'il fait également pour De quoi tu te mets Daniela. Et en plus de la chanson titre, Georges Gavarens

femme s'accrocha mes larmes dedans, en croyant m'aider à porter tous mes chagrins. Moi je sais qu'elle rêve, mais ça leur fait du bien. À coups de pied dans l'âme, j'ai trouvé la trame qu'il faut. Pour mourir célèbre, il ne faut rien emporter. Que ce que les autres n'ont pas voulu garder. Fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais pour pas de tol à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, un héros. Je ne suis pas un de tout. Merci, merci. À l'instant, le petit remix érigé de cette chanson, Je ne suis pas un héros. Oui, oui, oui, oui, vous allez me dire, mais non, ben, ça existait déjà. Non, non, là, c'est la version officielle qui est sortie en décembre 2020 sur l'intégrale de Daniel Balavoine. Et après, juste après, à la fin, c'était la version, on va dire, Extended Play, la version maxi de Je ne suis pas un héros, non remixée de l'époque, s'adaptée de l'époque. Voilà, voilà. Petit remix pour vous, spécialement pour vous, pour ce soir, pour l'émission Johnny de A à Z. Tiens, maintenant, on va retrouver la rubrique d'Antoine Decaune, l'Odyssée de Johnny Hallyday. Antoine Decaune qui va nous parler du titre Ce que l'amour a blessé. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Début 1970, Johnny est de retour sur grand écran, héros d'un extravagant western spaghetti, Le Spécialiste. Le scénario est navrant, mais peut involontairement provoquer une certaine hilarité. Par exemple, au cours d'une scène finale mémorable, Johnny avance sous le feu nourri de ses ennemis, mais quoique criblé de balles, il ne fléchit pas une seconde. C'est aussi ça, Johnny. Doit-on y voir une métaphore, comme un symbole ? Ah, parce qu'en dépit de nombreuses critiques, du snobisme des uns, de la jalousie des autres, sans compter les multiples tentatives pour le remplacer, Johnny poursuit son chemin sans ciller, tel Robocop, dans le rôle impeccable de l'éternel numéro 1. La preuve, il vient de réaliser un carton phénoménal grâce à « Que je t'aime ». Triomphe, il le doit au compositeur Jean Renard et au parolier Gilles Thibault. En toute logique, il se tourne à nouveau vers eux pour son nouveau disque. Jean Renard, que Johnny a surnommé Foxy, s'inspire du folklore irlandais et imagine la musique de « Ce que l'amour a blessé ». Les arrangements sont confiés à Jean-Claude Vanier, orchestrateur pour de nombreuses vedettes, y compris Serge Gainsbourg et son histoire de Melody Nelson. Le soleil est rare, et le bonheur aussi, et tout bouge au bras. Les murs d'enceinte du labyrinthe s'entrouvent sur l'infini. Pour Johnny, Jean-Claude Vanier a signé la prodigieuse orchestration de Que je t'aime. Mais pour la nouvelle chanson de Gilles Thibault et Jean Renard, il semble que Vanier ait été influencé par le groupe anglais Jethro Tull, qui a récemment remis la flûte au goût du jour. Que l'amour a blessé, dont les paroles sont pour le moins pessimistes, Jean-Claude Vanier opte donc pour la flûte comme instrument principal, ce qui va donner une couleur spéciale à son orchestration. Johnny adore cette nouvelle chanson. Il va même en graver une version al dente en italien. Quando l'amore se ne andrà. Quando l'amore, quando l'amore, quando l'amore se ne andrà. Quoique favorite sur le papier, jamais la chanson ne s'est imposée. Peut-être a-t-elle souffert du trop récent et trop grand triomphe de « Que je t'aime ». En clair, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de redécouvrir un bijou oublié paru en 1970, ce « Eux que l'amour a blessé » et ils sont nombreux. Comme des revenants de guerre, comme des revenants du front, ils ont la peur aux yeux, ils ont la ride au front. Comme des jeunes vieux, ils marchent le dos courbé, ils font un peu pitié, ils font un peu pitié. Ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Comme des revenants de guerre, comme des revenants de loin, qui ont offert leur vie, à qui on ne rend rien. Ils crient pour avoir l'air. J'ai fait l'amour, moi, monsieur. Ouais, comme s'ils en étaient fiers, comme s'ils étaient heureux. Ce que l'amour, ce que l'amour, ce que l'amour a blessé. Comme des revenants de guerre, comme des revenants chez soi. Il faut Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Allez, on se retrouve plus tard, Antoine. À présent, nous allons retrouver Johnny Hallyday lors des informations, les actualités du 19 octobre 1961. Johnny Hallyday, paraît que vous êtes belge. Est-ce exact? Oui, mon père est belge. Je suis né à Paris, mais mon père est belge. Vous appelez Johnny Hallyday, c'est une longue histoire, j'imagine. Oh, c'est pas une tellement longue histoire, c'est le mari de ma cousine, qui est américain. Ils avaient fait un numéro de danse sous le nom des Hallyday. Et puis moi, j'ai continué à chanter avec le nom des Hallyday. Comment s'appelle ce que vous faites, ce que vous chantez? C'est du rock? C'est du rock, c'est du rhythm and blues. Comment vous préparez ces rythmes? Eh bien, on les prépare pas, c'est tout fait. Absolument, l'improvisation? Oui, l'improvisation, c'est un rythme comme le jazz, mais plus accentué. Quel est votre public? Uniquement des jeunes? Non, j'ai juste un public de tous les âges, surtout depuis quelques temps. Quel effet ça fait d'être Johnny Hallyday? Le même que si je m'appelais Jean-Philippe Smet. Oui, croyez-vous? Il n'y a pas une différence, 1 600 000 disques vendus notamment. Oh, ne parlons pas de questions argent alors. Mais quel effet ça fait d'être une vedette à votre avis? Bien, moi je ne m'en suis pas rendu compte parce que je vis très normalement, à part que tous les soirs je pars pour chanter. Et quand je suis à Paris, je vis tout à fait de la même manière que je vivais il y a 2 ans, avec les mêmes copains. Est-ce que vous considérez comme un phénomène? Moi, pas du tout. Pas du tout? Non. Et combien de temps va durer votre vie, Johnny Hallyday? Qui sait? Pareil que vous allez faire du cinéma, c'est exact. Oui, quand je finis ma tournée, dans une quinzaine de jours, je commence à tourner dans Les Parisiennes avec Vadim et Marc Allégret. En dehors du cinéma, de la chanson, du public, quels sont vos projets? Je ne sais pas encore parce que j'ai mon service militaire bientôt, dans 2 ans. Et pendant 2 ans, c'est déjà un beau programme. Envoie de moi, oh là là, qui me dira, quand elle reviendra, depuis que maman est partie, j'ai mes chaussettes. Quand elle reviendra, le pic, maman est parti. J'ai le cœur qui crie au secours, et je passe mes jours à quitter son route. Dans les actualités du 19 octobre 1961. On revient à l'album de la semaine qui est Salut les copains, sorti le 16 décembre 1961. Et dans cet album-là, on retrouve justement Johnny Hallyday interpréter le titre Retiens la nuit. Car le tournage de l'un des 4 sketchs de film en noir et blanc, Les Parisiennes, réunit Johnny Hallyday et Catherine Deneuve. Donc la chanson Retiens la nuit. On sent le jeune homme ému par sa partenaire qui lui donne encore plus de crédibilité pour lui susurrer Retiens la nuit. La chanson a été confectionnée pour l'occasion par Charles Aznavour et Georges Gavarens. L'enregistrement fut réalisé sous la responsabilité de Lee Hallyday en novembre 1961 au studio que possédait Philips, boulevard Auguste Blanqui à Paris. Les Golden Strings, musiciens habituels du chanteur, sont crédités dans de l'accompagnement. La version entendue dans le film diffère de celle qui est commercialisée. On la retrouve

Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Petite rock'n'rolleuse, Johnny Hallyday, en 1996, c'était à Las Vegas, c'est le titre, le texte a été écrit par Philippe Labro, et c'est une chanson de Chuck Berry. Mais Eddie Mitchell a souvent puisé des titres dans le riche répertoire de Chuck Berry. The Sweet Little Rock'n'Roller, en 1958, il fit Siro Rock'n'Roll sur l'album Sur la route de Memphis, en 1976. We'll be right back.

Voici la version originale, celle de Chubby Shaker. You know they're twisting USA. Yeah, yeah, they're twisting in New York, in old Chicago town, in Hartford, in Frisco. They all go round and round. They twisting on Main Street. So baby, don't you put me down. You know they're twisted USA. You know that. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Bon alors, écoutons la version des Parisiennes. La nuit. Pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit. Pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et ne pas oublier la vie. Retiens la nuit. Avec toi, elle paraît si belle. Retiens la nuit. Mon amour, qu'elle devienne éternelle. Pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les heures. Je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit, je t'en supplie à l'infini. Retiens la nuit. Et qu'un truc à vous dire. Au revoir, baba, louba, bala, ben, boum. Bon, d'accord, c'est rentré. Bon. Johnny et les années 2000. Envoie-moi la musique. Les années 2000, extrait de l'album À la vie, à la mort. Voici le titre d'ouverture de cet album, Entre nous. Johnny Hallyday en 2002. Et vous écoutez toujours Johnny de A à Z ici sur RIG, nulle part ailleurs. RIG, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi de 22h à minuit. Travers tout, comme deux vieux amis à la mort. les critiques. Entre nous, aucune demi-mesure, aucun mur ne tiendra debout. Entre nous, toujours cette histoire qui dure depuis le premier rendez-vous. Présent, voici le dernier titre de l'album de la semaine qui est Salut les copains, sorti le 16 décembre 1961. Et pour le coup, on va écouter Danse le Twist, encore une reprise de Chubby Checker. Cette danse pour toi et moi, oui, cette danse, tu me la dois. Joue au tennis avec Davis, danse avec Elvis. Danse le boogie et la bamba, baby. Mets le twist avec moi, avec Danny. Sors la nuit, ouais, flirte avec Rocky. Avec Katie, danse la rumba, baby. Mets le twist avec moi. Que Richard m'envoie de face du plat, y'a pas de malade. Mais ne m'oublie pas. Danse cha-cha dans les bras. Changa avec Sacha, baby. Mets le twist avec moi. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas, baby. Mets le twist avec moi. Ne demande pas où oui, cette danse-là. On me rend fou de toi. Mais tu es comme moi. Y'a plus de trompa ni de pachanga. Quand je t'ai dans mes bras, je sens mon cœur qui danse, qui bat. Mets le twist avec moi. Danse le boogie avec Davis. Danse le rock avec Elvis. Danse le blues avec Babies, danse le rock avec Kelly, danse le wow, baby. Mais twist avec moi, twist avec moi. Ben voici la version de Chubby Checker à présent. Ben oui, parce qu'en pleine folie de twist, la confiance d'interprète français en Chubby Checker comme mine de succès est illimitée. Johnny n'est pas le dernier à souscrire à ce mouvement. On l'entend ici transformer une ode au mess around dans ce que Chubby Checker tenta en vain de populariser. On appelle romantique au twist. Ouais. Voici tout de suite Dance the Mess Around de Chubby Checker. Down. You can hold it with Tony. Twist with Mr. Lee. mess around with me. For me, the holly golly with Hattie, slap off the wall, please. But if you're gonna mess around, baby, mess around with me. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retourne tout de suite Johnny Hallyday en live à l'Olympia. C'était le 27 octobre en soirée 1962, bien sûr. Avec ce titre de Ray Charles, I Got a Woman. To me, oh, oh yeah, well, she's there to love me all day and night. Never gone for verses, always keep me right. Never running in the street just or leaving me alone. She knows a woman plays right down on her. I got a woman way out of town. She's good to me, oh, oh yeah. Oh, well, I got a woman way out of town. She's good to me. To love me all day and night. Never gone as off as this. Always treat me right. I never run in the street just only leave me alone. She knows a woman place right down on him. I got a woman way out of town. She's good to me. Oh, yeah. Oh, well, I got a woman way out of town. She's good to me. Oh, yeah. She's there to help me when I'm in need. She's the kind I'm expecting to leave. Oh, well, I got a woman way out of town. She's good to me. Oh, oh yeah. Don't you know she's on the way? Yeah, she's on the way. Yeah, she's on the way. Yeah, she's on the way. Yeah, she's on the way. Yeah, she's on the way. Yeah, she's on the way. She's on the run. This is on the run. This is on the run. This is on the run. This is on the run. This is on the run. This is on the run. This is on the run. This is on the run. This is on the run. De cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine. Salut les copains, je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté, participé à cette émission, et on se retrouve non pas la semaine prochaine, pas d'émission, mais en début février pour une émission 100% live. Merci toutes et à tous pour votre fidélité, à très bientôt, ciao ciao.